Salut, c'est Nico. Une fois n'est pas coutume, une petite intro pré-podcast car nous avons quelque chose d'important à vous demander dont nous avons bien sûr oublié de parler dans l'épisode. Le mardi 24 mars, nous vous préparons une interview avec un grand monsieur de la science et de la vulgarisation des sciences en France. Pour l'occasion, nous nous déplaçons en partie à Marseille pour l'enregistrement, mais nous n'avons pas encore de lieu d'où faire cela, ce qui pose quelques problèmes. Donc, si vous avez un endroit à Marseille d'où nous pourrions le faire, c'est merveilleux de nous envoyer un message via podcastscience@gmail.com, via Twitter, via Facebook, enfin, via tous les moyens que vous connaissez d'habitude. Nos critères ne sont pas très compliqués, on veut un lieu financier, silencieux qui puisse accueillir 4 personnes autour d'une table et une bonne connexion Internet. Merci d'avance pour votre aide, et puis ben, donc place à cet épisode sur les groupes avec Robin. Il y a deux types de personnes, ceux qui classent les gens dans des groupes et les autres. Les mathématiciens font partie de cette première catégorie de personnes, et ce soir, Robin nous présente ces merveilleux objets que sont les groupes. Nous sommes le 24 février 2015 et vous êtes dans l'épisode 207 de Podcast Science. Bienvenue! Bonsoir à tous. Alors, on commence par notre tour de table. Alors, autour de notre table virtuelle, on commence. On a Johan depuis les États-Unis, depuis Baltimore. Salut Johan. Salut. Et sinon, c'est un peu la loose. On est trois depuis Paris, mais chacun dans une pièce différente par Skype parce qu'on n'aime pas voir des gens en vrai. Donc, on a Robin depuis le nord de Paris. Salut Robin. Salut. Billy, je sais plus dans quel coin de Paris tu es, mais. Le nord, mais l'autre. Donc on a Billy, nouvelle membre de Podcast Science, on le rappelle, qui est présente ce soir, ça fait plaisir. Et Et puis du vrai côté de Paris, on a moi-même Nico, depuis le sud de Paris, quoi. Au sommaire de l'émission de ce soir, donc un dossier fleuve préparé avec amour par Robin sur les groupes. Après, bah, du coup, nos catégories, nos rubriques classiques d'un épisode dossier, c'est-à-dire un peu un pitch, une quote, quelques plugs. Et puis, ben, ce sera tout. Et voilà. Et donc, du coup, ben, je vous propose de tout de suite commencer par l'excellentissime Robin pour parler des groupes. Il y a quatre façons de ranger un livre dans une bibliothèque. Le titre en haut, la tranche vers l'extérieur. Le titre en haut, la tranche au fond. Le titre en bas, la tranche vers l'extérieur. Le titre en bas, la tranche au fond. Pour changer la position du livre, il y a trois mouvements possibles. On prend le livre. On le fait tourner sans le sortir de sa place, en gardant dans un même plan. On peut sortir le livre, le retourner en suivant un axe vertical, c'est-à-dire on garde le haut en haut et le bas en bas, mais on change l'avant et l'arrière. On peut sortir le livre et le retourner suivant un axe horizontal, c'est-à-dire qu'on échange le haut et le bas, mais on n'échange pas l'avant et l'arrière. Maintenant, il y a aussi histoire, là, ça fait que trois mouvements, on avait quatre positions pour le livre. Donc pour que ça soit joli, on va dire qu'on met aussi un mouvement nul, qui est de dire je sors le livre, je le range exactement comme il était. C'est un peu pourri, mais comme ça on a autant de mouvements que de positions, on est content. Alors on peut dire à partir de la position de neutre, bien rangée, finalement on a quatre mouvements possibles qui vont aboutir aux quatre positions possibles. Donc on peut associer un mouvement, une position, on peut dire un peu c'est la même chose, il y a quatre positions, il y a quatre mouvements, c'est la même chose tout ça, c'est exactement la même chose. On peut à partir de ça dire par exemple. Si j'enchaîne deux de ces mouvements-là, bah, je tombe sur quelle position. Donc en fait, j'aurais pu le faire avec un seul mouvement directement, lequel? Par exemple, je sors le livre, je le tourne autour d'un axe vertical, donc j'ai changé juste l'avant et l'arrière. Je ressors le livre, je tourne autour d'un axe horizontal, je change le haut et le bas. Bah, j'ai changé à la fois l'avant et l'arrière, le haut et le bas. J'aurais pu le faire en un seul mouvement qui consiste à le retourner sans le sortir de sa place, en le gardant dans un même plan. Et en fait, à chaque fois, quand je prends deux mouvements, je les combine, bah, je tombe sur un autre mouvement. Il y a plusieurs choses que je peux remarquer avec ces séries de mouvements. Je peux dire, par exemple, si je fais deux fois suite le même mouvement, c'est comme si j'avais rien fait. Et puis, je peux dire aussi, si je prends deux mouvements, sauf celui qui consiste à ne rien faire, parce que bon, celui-là, il est un peu nul, mais si j'en prends deux des trois autres et que je les combine, c'est comme si j'avais fait le troisième. Voilà. Alors bon, je sais bien qu'a priori ça n'est pas très matheux comme ça fait un truc un peu débile, mais là on a un peu l'idée déjà d'un groupe. Alors je vais essayer de le raconter autrement, ce groupe-là. Je vais le faire en sonore, vous pouvez le faire avec vos deux mains. Vous tendez vos deux mains devant vous. On va dire que quand je fais cette note-là, vous avez la main ouverte. Quand je fais cette note-là, vous avez la main fermée. La première note que je joue, c'est la main gauche. La deuxième note que je joue, c'est la main droite. On a une position qui est les deux mains fermées. Voilà. On peut faire un mouvement qui est de changer la position de la main gauche. Dans ce cas-là, on va se retrouver en... main ouverte, main fermée. Main gauche ouverte, main droite fermée. On peut ouvrir au contraire la main droite, ça va faire... Voilà, on a main gauche fermée, main droite ouverte. On peut ouvrir, changer d'état les deux mains en même temps. On a les deux mains ouvertes. Ou ne rien faire, on a les deux mains fermées. Ça va, c'est assez clair comme... Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Avec les deux mains devant soi, ça va. Vous notez qu'il y a, encore une fois, quatre mouvements, dont un qui consiste à ne rien faire, et quatre positions possibles. C'est-à-dire, on peut avoir les deux mains ouvertes, les deux mains fermées, ou la main gauche ouverte, ou la main droite ouverte. Donc ça, ça rappelle un peu éventuellement le bouquin, l'histoire du bouquin. Et en fait, ça rappelle vraiment beaucoup, beaucoup le bouquin, si on regarde exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai quatre opérations, dont une qui consiste à ne rien faire. Si je prends deux des autres opérations et que je les fais l'une après l'autre, c'est comme si je faisais la troisième. C'est-à-dire que je dis, j'ouvre, je change d'état la main gauche, et après je change d'état la main droite, c'est comme si j'avais changé l'état des deux mains, qui est la troisième opération. Je change d'état les deux mains, puis je change d'état la main gauche, c'est comme si j'avais changé d'état que la main droite. Et ainsi de suite, quand on en combine deux, on tombe sur le troisième. C'était exactement ce qu'on avait observé sur le bouquin. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà dit vraiment très souvent dans Podcast Science, mais c'est quelque chose vraiment d'essentiel en mathématiques. Les mathématiques, c'est on remarque qu'il y a des choses pareilles à des endroits qui ont l'air différents, et ces choses pareilles, on essaye de comprendre ce que c'est, on essaye de les simplifier, on essaye de trouver comment on peut les décrire le plus simplement possible, et on crée un objet qui est ce truc pareil. Alors évidemment, du coup, c'est abstrait. J'avais pris l'exemple, j'en reparle parce que je trouve qu'il est très parlant, des nombres, où finalement ça pose plus de problème à personne parce qu'on est très habitué, mais c'est clair que quand on parle de 5, on a créé un truc abstrait qui est un nombre, à partir de trucs pareils que sont une quantité de doigts, une quantité de personnes, une quantité d'objets quelconques, et on dit « Ah tiens, il y a un truc en commun avec tous ces machins-là, et c'est la quantité, et donc on va créer les nombres pour ça. » Et bien les groupes, c'est exactement la même chose, sauf que ce qui est en commun, c'est pas la quantité, c'est comment on peut les faire fonctionner comme ça, toutes les transformations qu'on peut faire, et qui font que... et comment elles se combinent. Ça va, Billy ? Tu sais que t'es le... Ouais, tout va bien. Ouais. Ça va. Donc là, en fait, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que dans les deux situations, là, on est dans des choses différentes, mais il y a un comportement qui est le même. Et donc, c'est ça le groupe qu'on va être derrière. Donc, le groupe dont il est question, il a trois éléments. Alors, si on veut commencer à parler de mathématiques, on va dire, voilà, il y a quatre éléments, pardon. Donc, on va dire, il y a quatre éléments. Alors, il y a l'élément neutre. Alors on va lui donner un nom particulier, parce que lui, voilà, c'est celui qui consiste à ne rien faire. On en a besoin, parce qu'on a besoin de dire ce qui se passe si je combine, par exemple, deux fois de suite le même élément, j'ai besoin de dire je tombe sur comme si j'avais rien fait. Donc on en a besoin pour pouvoir dire à chaque fois, quand j'en combine plusieurs, je tombe sur quelque chose. Sinon, on n'aurait pas de mots. C'est comme le zéro, finalement, on en a besoin pour dire j'ajoute un, j'enlève un, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ajouté zéro, même si c'est débile. Comme ça, on n'est plus tranquille, on a du vocabulaire pour tout. Donc, on a quatre éléments. Il y en a un qui est l'élément neutre. Alors, traditionnellement, en maths, on l'appelle E. Bon, après, on pourrait l'appeler 0 aussi. On pourrait l'appeler comme on veut. J'ai un élément A, mettons. J'ai un autre élément B. Et puis là, dans les deux cas, j'ai un élément qui consiste à enchaîner A et B. C'était soit faire une action sur les deux mains, soit retourner le livre sous un axe horizontal, suivre un axe vertical. En fait, quand on combine les deux, on tombe sur le troisième. Donc, on pourrait dire que mon groupe, c'est 0, A, B, et puis un truc qui s'appellerait A fois B ou B fois A, parce que finalement, c'est pas grave, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre, on tombe sur la même chose. Et là, on commence à voir qu'on a quelque chose de très général, et après, peu importe ce que ça recouvre derrière, qu'est-ce que ça veut dire A, B, machin, si ça se comporte comme ça, c'est ce groupe-là qui est là. C'est un groupe à quatre éléments, et c'est un des groupes les plus simples qu'on puisse imaginer. Avec quatre éléments, on peut imaginer complètement d'autres groupes. Alors, par exemple, vous prenez une horloge, et... les opérations qu'on s'autorise à faire, c'est tourner l'aiguille des minutes d'un quart d'heure, ajouter un quart d'heure. Donc là, par exemple, rajouter un quart d'heure, bah, si l'aiguille est sur midi, j'ajoute un quart d'heure, je suis à l'écart. J'ajoute encore un quart d'heure, je suis à l'admi. J'ajoute encore un quart d'heure, je suis à moins le quart. Et puis si j'ajoute encore un quart d'heure, je suis à zéro. Donc finalement, j'ai quatre positions de l'aiguille possibles. Et j'ai effectivement quatre mouvements possibles. Je peux avancer d'un quart d'heure, avancer d'une demi-heure, avancer de trois quarts d'heure, ou ne rien faire. Et là, on voit que ce groupe-là, il a bien quatre éléments encore. Mais si je veux donner des lettres, je ne vais pas donner 0, A, B et A fois B. Ça ne peut pas être ça. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que en fait, j'ai 0, j'ai A, ce qui serait rajouter un quart d'heure. Et puis, celui d'après, on voit bien que j'ai fait deux fois le premier. J'ai fait un quart d'heure et encore un quart d'heure. Donc, on aura envie de l'appeler A fois A. J'ai fait deux fois la même opération. Et puis, le troisième, c'est A fois A. Et puis, le quatrième, bah, c'est rien faire, c'est 0. Mais on voit que si on fait 4 fois A, on va encore aussi tomber sur 0. Donc en fait, celui-là, on pourrait dire que la règle du jeu de celui-là, c'est 0, A, A fois A, donc A au carré, A fois A fois A, donc A au cube. Et puis on précise que si on le fait une fois de plus, si on fait A puissance 4, eh ben, c'est 0. On retombe sur 0. Donc c'est un groupe encore qui est avec 4 éléments, mais qui se comporte d'une façon complètement différente. C'est, on est obligé d'aller jusqu'à 4 éléments pour trouver deux groupes différents, parce que si on veut des groupes plus petits, bah, il n'y en a qu'un à chaque fois. Donc c'est un peu nul. Donc là, c'était histoire de vous montrer qu'on pouvait avoir des groupes différents avec le même nombre d'éléments et pour essayer de vous faire comprendre surtout ce que c'était que cette notion de groupe. Est-ce que jusque-là, tout va bien ? Ça va. J'ai senti qu'il y en avait une pour laquelle c'était plus compliqué. Ah, ça va. C'est juste que j'ai pas compris l'histoire des fois et pourquoi c'était pas des plus, mais je pense que c'est des détails en fait. Alors, ouais, c'est des détails. Alors, mais t'as raison d'en parler, c'est une très bonne idée. En fait, justement, c'est assez marrant parce que on note les groupes comme on veut. En fait, ce qui compte dans un groupe, alors je vais justement en arriver à la définition du groupe. Un groupe, pour que ça soit un groupe, quelque chose, pour que ça soit un groupe, il faut qu'on ait des éléments, donc des transformations, des machins. Une opération, donc une opération, c'est au sens vraiment très très large, puisqu'on a vu que ça pouvait être faire tourner une horloge, ça peut être, qu'est-ce que j'ai dit, ouvrir une main, fermer une main, machin, tout ça. Ça peut être tourner un bouquin, ça peut être des choses très différentes. Donc il faut juste avoir la règle du jeu pour savoir qu'est-ce que sont ces opérations et comment elles se combinent. On veut ne pas avoir à se soucier de dans quel ordre on fait les opérations, donc on va appeler ça l'associativité. C'est un truc qu'on a tous vu à l'école, mais qu'on a tous oublié, c'est que si je fais A plus B d'abord, plus C, c'est la même chose que si je fais A plus B plus C que j'ai fait en premier. Je veux pas avoir à m'embêter à savoir dans quel ordre je fais les opérations dans ce sens-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit ? Un élément neutre, ça. Et je veux aussi que pour chaque élément, alors je veux que quand je combine deux éléments, je tombe dans un élément qui est dans le groupe. Donc là, c'est le cas. Quand je fais deux opérations, je tombe sur une opération que j'aurais pu faire directement, qui était dans ma liste d'opérations du début. Et puis, je veux aussi que pour chaque opération, il y ait une opération qui permette d'obtenir zéro, si on les combine. Alors là, je peux reprendre l'idée des mains. Les deux mains, bah, à chaque fois, ou le livre d'ailleurs, à chaque fois, c'est simple, l'inverse d'une opération, c'est de refaire la même opération. Par exemple, j'agis sur la main gauche, je réagis sur la main gauche, c'est comme si j'avais rien fait. Le bouquin, je fais n'importe quelle opération, je sors le livre, je le retourne en le gardant dans un même plan. Si je refais cette opération une fois, c'est comme si j'avais rien fait. Et ainsi de suite. Donc là, c'est très simple, l'opération inverse, c'est toujours de faire exactement ce que j'avais fait. Le coup du groupe des quarts d'heure, c'est différent, puisque la demi-heure, son inverse, c'est elle-même. Si j'ajoute deux fois une demi-heure, c'est comme si j'avais rien fait. Alors que le quart d'heure, son inverse, c'est les trois quarts d'heure. Il faut que j'ajoute un quart d'heure et trois quarts d'heure pour retomber sur zéro. Et tu vois, là, je dis plus, naturellement. Et c'est vrai qu'en fait, suivant les situations dans lesquelles on se trouve, on va parler de plus ou de multiplier sans... Voilà, c'est pas grave. Un groupe, c'est juste, il faut une opération. Et donc, suivant la façon... Enfin, suivant le cadre dans lequel on se place, on prend la notation qui nous arrange le mieux. Et l'élément... Alors, des fois, même, on met encore autre chose. On met une étoile, par exemple, pour dire que c'est un truc... on ne veut pas savoir ce que c'est, et sinon on peut mettre un plus, et dans ce cas-là, l'élément neutre va s'appeler 0. On peut mettre un multiplié, on dit que l'élément neutre il s'appelle 1. Tout est libre, on s'en fiche un peu en fait. Et donc effectivement, pour les quarts d'heure, je suis assez d'accord avec toi que ce serait probablement plus naturel de parler de plus que de multiplier. Donc voilà, donc un groupe c'est juste ça, c'est un élément neutre, chaque élément a un inverse, on n'a pas besoin de parenthèses. On peut faire les opérations, ça marchera toujours pareil. Par contre, quand je dis on peut faire les opérations dans l'ordre qu'on veut, c'est pas complètement vrai, c'est-à-dire que c'est pas forcément commutatif. C'est-à-dire que si je fais A fois B, là dans les exemples que j'ai donnés, j'ai toujours la même chose si je fais A fois B ou si je fais B fois A, mais c'est pas toujours le cas pour tous les groupes. Je donnerai des exemples tout à l'heure aussi de groupes où c'est pas commutatif, on peut pas changer l'ordre de l'opération. On ne va pas obtenir le même résultat. Ah oui, alors j'ai complètement oublié de dire que le premier groupe dont j'ai parlé, il a quand même un nom. En fait, du coup, pour parler d'un groupe, comme c'est quelque chose de très abstrait, on est quand même toujours embêté. Alors on peut décrire tous les termes qu'il y a dedans et comment l'opération, les opérations fonctionnent, mais c'est un peu long et pénible, tout ça. Mais bon, c'est un peu le seul moyen de faire. En fait, le moyen de faire le plus simple, a priori, quand c'est possible, c'est de donner un exemple. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous ai donné l'exemple du bouquin, l'exemple des mains, c'est le même groupe derrière. On pourrait dire que c'est le groupe du livre, par exemple. Parce qu'on sait qu'on a vu que ça fonctionnait pour retourner un livre. En fait, celui-là, le nom que j'ai entendu pour lui, que je trouvais sympa, c'était le groupe du matelas. Je trouve que ça marche assez bien, parce qu'on voit tous qu'un matelas, il y a quatre façons. Alors, à moins d'avoir un matelas rond ou carré, mais bon, j'espère quand même que c'est pas... Normalement, c'est pas la majorité. Si vous avez un matelas rectangulaire, non carré, normal, bah, vous avez exactement quatre positions possibles pour le matelas. Vous pouvez le mettre, donc on va dire normalement. Vous pouvez le mettre en position hiver, en gardant la tête à la tête et les pieds aux pieds. Et puis, vous pouvez le mettre en position hiver en mettant la tête aux pieds et les pieds à la tête. Et vous pouvez le garder en position été. Enfin, j'aurais dû dire hiver parce qu'on est encore en position hiver, mais c'est pas grave. Et on peut garder la position été et changer juste les pieds et la tête. Donc, on a exactement, encore une fois, quatre positions. Et puis, si on regarde comment ça fonctionne, bah, ça fonctionne exactement comme le livre. D'ailleurs, ça ressemble à même... C'est en gros les mêmes mouvements qu'on fait. C'est-à-dire, on peut retourner suivant un axe tête-pied, et là, on va juste passer de été à hiver. On peut retourner suivant un axe horizontal, enfin, je sais pas, au milieu des hanches, là. Et là, on va inverser et la tête et les pieds, et on va passer d'été à hiver aussi. Et puis, on peut retourner sans changer hiver-été, et dans ce cas-là, on change juste les pieds et la tête. Donc c'est exactement encore la même chose, et on regarde, si on fait deux fois de suite la même opération, c'est comme si on n'avait rien fait, et quand j'en combine deux, je tombe sur la troisième, et voilà. Et donc c'est encore le même groupe. Donc on pourrait l'appeler le groupe du matelas, c'est une appellation que j'ai déjà entendue plusieurs fois, que je trouve plutôt sympa. Et c'est comme ça pour tout. L'autre, le groupe des quarts d'heure, c'est pareil, il faudrait lui trouver un nom. Alors en fait, celui-là, il a un nom qui est tout trouvé, c'est qu'il fait partie d'une famille de groupes très simple et très connu, qui est le groupe de l'horloge, en fait, à chaque fois. C'est-à-dire... Ben, évidemment, je peux faire un groupe avec trois éléments. Au lieu de faire des quarts d'heure, je vais rajouter des 20 minutes, et il va se passer exactement la même chose. Sauf que c'est au bout de trois étapes que je suis revenu à zéro. Je peux faire le groupe de la demi-heure, qui n'est pas très intéressant. Il y a un élément. Et puis, si je l'ajoute à lui-même, je tombe sur l'élément neutre. Et puis, c'est tout. Enfin, j'ai l'élément neutre et un autre élément. Voilà. Donc, l'horloge, on sent bien que bah, on va pouvoir la couper en 3, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10... Et en fait, à chaque fois, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai parlé de multiplier, c'est que généralement, celui-là, on en parle en multiplication. C'est-à-dire que ces groupes-là, qu'on appelle les groupes cycliques, c'est en gros, j'ai l'élément neutre, et puis bah, je choisis mon décalage d'aiguille, quoi, qui fait que je vais avoir un nombre qui va me donner le nombre de fois où il faut que je répète cette opération pour retomber à zéro. Donc, j'ai le groupe cyclique d'ordre. L'ordre, c'est le nombre d'éléments. D'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4, d'ordre 5, d'ordre 6, etc., etc., etc. Donc c'est les groupes de l'horloge, on peut les appeler comme ça, on les appelle en fait en mathématiques les groupes cycliques, parce que bah, ça tourne en rond. Donc ça évidemment, y en a avec n'importe quel nombre d'éléments, c'est très simple et on sait très bien comment ils se comportent, c'est vraiment pas les groupes les plus intéressants, même s'il y a quand même des choses intéressantes à voir avec. Notamment parce qu'ils sont très simples et que donc commence à faire des trucs avec les groupes, c'est quand même sympa. Pour former un groupe, on peut s'y prendre de plusieurs façons. On peut dire par exemple, je prends un élément, une loi, et puis je vois tout ce que ça construit naturellement. Par exemple, je peux dire, bah, dans les choses que je connais les nombres entiers, par exemple. Je vais prendre 1, le nombre 1, je prends l'addition, et puis je regarde ce que ça va faire, les lois que je m'impose. Alors l'addition, je sais qu'elle est associative, ça c'est pas un problème. Je veux un élément neutre. L'élément neutre pour l'addition, c'est 0, donc j'ai besoin de rajouter 0. Et puis après, je veux que quand j'additionne, donc quand je me sers de l'addition, ce que je trouve, le résultat que je trouve, soit bien dans le groupe. Bon, bah, j'ai 0 et 1. Si je fais 0 plus 1, je tombe sur 1, ça c'est un peu nul. Par contre, si je fais 1 plus 1, je tombe sur 2, donc 2, j'ai besoin qu'il soit dans le groupe. Puis maintenant, je vais faire 2 plus 1, ça fait 3, j'ai besoin qu'il soit dans le groupe. Donc j'ai besoin de tous les entiers positifs, parce que j'ai besoin que tous les résultats de deux éléments qui sont dans le groupe, et en utilisant la loi, qui là, l'addition, j'ai besoin qu'ils soient à nouveau dans le groupe. Donc je vais tomber sur tous les nombres entiers positifs, déjà. Et puis, il ne faut pas oublier que j'ai imposé une deuxième loi aussi, qui est que, pour tout nombre, je veux qu'il existe un élément tel que, quand je les combine, je tombe sur l'élément neutre. Là, les combiner, ça veut dire les additionner. Donc il faut que pour 1, j'ai un élément tel que quand je l'additionne à 1, je tombe sur 0. Bon, bah ça, on connaît tous, c'est moins 1. Donc en fait, hop, obligatoirement, je suis obligé d'avoir tous les nombres négatifs aussi. Donc, en fait, je pars de 1 et de l'addition, et je m'impose juste les lois que je me suis imposées pour un groupe, et boum, je tombe sur tous les nombres entiers, positifs et négatifs, ce qu'on appelle les entiers relatifs. Je suis obligé d'avoir au minimum tout ça. Dès que j'ai 1 et l'addition, je suis obligé de prendre tous les nombres entiers, positifs et négatifs. Je peux en prendre plus, parce qu'évidemment, je pourrais prendre des nombres à virgule et tout, mais ça, j'en ai pas besoin. Si j'ai juste 1 et l'addition, j'ai juste les entiers relatifs et ça me fait un groupe. C'est ce qu'on appelle le groupe engendré par 1 et l'addition. Après, on peut prendre d'autres trucs. Par exemple, je peux prendre 2 et puis la multiplication, tiens, juste pour rigoler comme ça, pour voir ce que ça donne. 2 et la multiplication, pareil, du coup, tout de suite, j'ai besoin d'un élément neutre. L'élément neutre, c'est 1, donc j'ai besoin du 1. Puis après, 2 multiplié par 2, ça me fait 4. Multiplié par 2, ça me fait 8. Multiplié par 2, ça me fait 16. 4 multiplié par 8, 32, tout ça, machin. Je vais avoir des choses qui sont des puissances de 2. Et puis, encore une fois, il faut que je trouve des éléments tels que quand je les multiplie, je tombe sur 1. Donc je vais aussi avoir besoin d'un demi, un quart, etc. J'ai besoin de tout ce qui est des inverses de puissance de 2. Et voilà, et ça, ça va être un groupe aussi. Alors ça, c'est des groupes par rapport au premier que j'ai montré qui sont des groupes infinis. C'est une grosse différence. Mais c'est aussi des groupes. Alors évidemment, il y a aussi, je peux dire, je prends le matelas là, et je prends retourner le matelas comme opération. Retourner le matelas juste tête-pied. Ça, si je prends ça, il suffit que je prenne ça. Parce que retourner le matelas tête-pied, si je le fais 2 fois de suite, je tombe sur l'élément neutre. Donc en fait, j'ai pas besoin de rajouter les 2 autres éléments que j'avais dans mon groupe du matelas. Là. Ça fait un groupe avec juste un élément. C'est le groupe de la demi-heure, c'est le même. C'est un peu nul, mais on voit bien que ce groupe-là, il n'est pas engendré par un seul des mouvements. Par contre, si je prends 2 mouvements et que je les combine, je tombe sur le troisième. Donc si je prends 2 mouvements et que je veux voir le groupe qui est fabriqué avec ça, je suis obligé de rajouter le troisième. Voilà, donc là on tombe sur ce qu'on appelle un sous-groupe du groupe, c'est-à-dire on voit bien que c'est possible d'avoir juste un élément tout seul, enfin un truc plus petit que le groupe entier, qui fonctionne bien en interne, en tout petit. Alors après, on peut aussi, pour chercher des groupes, chercher tous les groupes qui ont un nombre d'éléments fixé. Je veux tous les groupes qui ont 2 éléments, tous les groupes qui ont 3 éléments, tous les groupes qui ont 25 éléments, etc. etc. C'est pas forcément évident, pour les tout petits nombres, ça se fait bien. Mais après, ça va devenir plus compliqué. Donc on cherche les groupes qu'on appelle les groupes finis. Alors on a bien vu déjà que... Enfin, je vous ai parlé là des groupes de l'horloge. Donc on sait qu'il y en a au moins un pour n'importe quel nombre, ça c'est pas compliqué. Mais il y en a pour lesquels il y en a plus. On a vu que pour 4 éléments, il y avait 2 groupes différents. Le groupe Cyclip et le groupe du matelas. Et puis, c'est encore le cas pour d'autres groupes. Alors c'est assez rigolo d'avoir la liste, parce qu'elle est dans le genre improbable, elle est quand même assez marrante, la liste de tous les groupes, du nombre de groupes à 1 élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments, 5 éléments, ça fait un peu n'importe quoi. Donc en fait, je peux vous dire le début de la liste là, donc j'ai un groupe à 1 élément, un groupe à 2 éléments, un groupe à 3 éléments, 2 groupes à 4 éléments, jusque là c'est ce qu'on a vu, un groupe à 5 éléments, 2 groupes à 6 éléments, un groupe à 7 éléments, 5 groupes à 8 éléments, tout d'un coup il y en a 5. 2 groupes à 9 éléments, 2 groupes à 10 éléments, 1 groupe à 11 éléments, 5 groupes à 12 éléments. Ça a l'air d'être assez compliqué à prévoir, disons. 1 groupe à 13 éléments, 2 groupes à 14, 1 groupe à 15. 15, il n'y a que le groupe de l'horloge qui fonctionne. Allez savoir pourquoi, tout d'un coup, ça retombe à 1. Donc c'est quelque chose d'assez... comment dire ? C'est un truc qui forcément va plaire à des matheux. Il y a un truc à trouver. Il y a de l'exotisme, il y a de la diversité, il y a des choses assez curieuses qui vont apparaître qu'à partir d'un certain temps, tout ça. Il y a les groupes pas intéressants du style groupe de l'horloge, mais il y en a qui vont être plus marrants. Donc voilà, c'est un problème évidemment qui s'est posé, d'essayer d'attraper, d'avoir une liste de tous les groupes finis. Bon, il se trouve que c'est un peu compliqué. Donc c'est un problème qui n'est pas tout à fait fini. Il y a des groupes qu'on peut distinguer dans les groupes finis, qui sont les groupes simples. Alors, je vais engager les gens qui ne l'ont pas fait à écouter mon épisode sur les nombres premiers. Enfin, bon, après, sinon, tout le monde a un peu entendu parler des nombres premiers. Les groupes simples, en gros, c'est l'équivalent des nombres premiers pour les groupes. Alors, je peux vous donner un exemple, un peu pour vous donner une idée de ce que peut être un groupe qui est justement pas un groupe premier, quoi, puis ça se voit en plus. J'ai déjà parlé un peu les deux mains, là, déjà. On voit que, en fait... J'ai deux trucs complètement indépendants l'un de l'autre, j'ai la main gauche et la main droite. C'est assez artificiel de les mettre ensemble d'une certaine manière. Je pourrais dire j'ai groupe main fermée, main ouverte, main gauche, main droite fermée, main droite ouverte. Pourquoi je les mets ensemble d'une certaine manière? Ils fonctionnent très bien chacun séparément. Je pourrais aussi, avec ça, je peux faire un groupe à 6 éléments. Je peux dire, au lieu de faire juste main gauche ouverte ou fermée, je rajoute un truc demi-ouvert. J'ai trois positions possibles pour la main gauche, mais j'ai que deux positions possibles pour la main droite. Du coup, ça va se combiner, ça va faire deux positions d'un côté, trois positions de l'autre. Je vais forcément avoir six éléments, mais on voit bien que c'est en fait deux groupes qui ont été collés, mis ensemble. Je sais pas si c'est la pleine... Je m'embête à le refaire avec les notes, parce que vous faites ça avec vos mains, quoi. Hein. Mais on voit bien, de toute façon, avec les deux mains qui sont vraiment séparées, qu'on a fabriqué un groupe en mettant deux choses ensemble qui marchaient relativement bien tout seul. Donc là, en fait, on est avec des groupes qui sont composés, qui sont fabriqués avec d'autres groupes. Les groupes simples, l'idée, c'est de dire non, c'est des groupes où, s'il y a des sous-groupes, si on peut trouver des sous-groupes qui fonctionnent bien tout seul dedans. Bon, enfin, par exemple, c'est si on prend juste l'élément neutre tout seul, donc si on prend tout le groupe. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée, c'est ça. Et l'idée de dire, si je trouve un sous-groupe dedans, c'est soit l'élément neutre tout seul, soit le groupe tout entier, ça devrait faire penser, a priori, au nombre premier, où, c'est les nombres, où quand on veut les diviser, soit on divise par 1, soit on divise par le nombre lui-même. Il y a vraiment un air de famille entre les deux. Donc les groupes finis simples, c'est vraiment un domaine de recherche qui a été très très exploré. Et alors ils ont trouvé, et les mathématiciens ont fini par trouver, au 19e siècle, c'est surtout au 19e siècle, et puis ça continue largement au 20e siècle, mais que ça a été lancé, cette histoire de théorie des groupes. Et au XXe siècle, ça a été terminé, cette histoire-là. Alors, on a trouvé un certain nombre de familles, comme les groupes cycliques infinis de groupes simples. Alors, les groupes cycliques simples, il faut qu'il y ait un nombre premier d'éléments, sinon on peut les décomposer. Et puis, on a trouvé ce qu'on appelle les groupes sporadiques. C'est des groupes qui n'ont rien à voir avec la choucroute et personne ne comprend trop d'où ils viennent. Et alors ça, c'est un truc assez marrant. C'est-à-dire que il y a des familles de groupes, on voit bien que ça fonctionne bien, tout ça. Puis on a des images en tête, on a des objets en tête qui se comportent comme ça, on comprend bien d'où ça peut venir et tout. Et puis il y a des groupes, on constate qu'ils existent, quoi. On arrive à les trouver et tout, puis on se dit, mais ils sont tout seuls. Ils sont pas dans une famille, ils sont pas... d'où ils viennent, quoi. Et donc, il y en a 26. C'est les groupes sporadiques. Et, parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, le plus gros de ces groupes, il a été conjecturé, quelqu'un qui a conjecturé son existence dans les années 70, et puis dans les années 80, 90, on l'a vraiment trouvé. Alors c'est pas pour rien qu'on l'appelle le groupe monstre quand même, puisque ce groupe monstre, il a environ 8 fois 10 puissance 53, donc 8 suivi de 53 zéros éléments. Un truc monstrueux. Il y en a 26, le 26e, c'est celui-là. Et si on cherche quelque chose qui puisse le représenter, on peut avoir en tête, enfin, si on a une tête bizarrement foutue, un groupe de rotation dans un espace à 196 883 dimensions. Je vous rassure, je suis paumé aussi. Hein. Vraiment, c'est beaucoup trop loin pour moi. Alors, juste pour vous donner un peu une idée de groupes plus raisonnables, par exemple, des groupes de rotation, par exemple, on peut faire des choses très simples. Je prends un triangle et je regarde comment il peut tourner dans le plan. Ça, c'est tout gentil. Je prends un triangle équilatéral et je regarde toutes les positions, comment je le numérote, enfin je l'appelle ABC, et je regarde comment je peux le faire tourner en changeant les lettres. Donc j'ai le A en haut, B en bas à droite, C en bas à gauche, A en bas à droite, et puis B et C qu'on suivit, ou A en bas à gauche, et puis B et C qu'on suivit. Éventuellement, je peux aussi avoir le groupe où je rajoute les symétries, et donc au lieu d'avoir ABC quand je tourne dans le sens de l'horloge, des aiguilles d'une montre, j'ai abaissé en tournant dans l'autre sens et j'ai encore trois positions. Ça là, c'est gentil. Voilà, on peut bien imaginer que ça fait un groupe, tout ça marche bien, je fais deux rotations, je fais une symétrie, une rotation, ça me donne une symétrie, tout ça, ça fonctionne assez bien. Et donc je peux aussi évidemment me dire, tiens, je prends un cube et je regarde, pareil, je donne des noms à tous ces sommets et du coup je regarde comment je peux le faire tourner ou comment je peux prendre son symétrique pour qu'il reste dans la même position globalement, c'est juste les lettres qui changent de place. Et ça, toutes ces opérations-là, ça va être ce qu'on appelle le groupe du cube. Alors là aussi, tant qu'à faire, je me fais mon auto-promo. Si vous voulez entendre parler du groupe du cube, vous pouvez écouter dans L'amour est dans la pipette. J'avais fait quelque chose sur les mariages chez les Australiens, la tribu australienne des World Piri, où il y avait un mathématicien qui avait aidé Claude Lévi-Strauss à comprendre comment ça fonctionnait, parce que c'est très compliqué, et en fait, une façon très simple de voir les choses, d'expliquer les choses, c'était de dire que ça fonctionnait suivant le groupe du cube. Donc le groupe du cube, j'espère maintenant que vous comprenez un peu mieux ce que c'est juste toutes les opérations qu'on peut faire avec un cube qui font que le cube reste dans, globalement dans la même position, mais juste on renumérote, enfin on réétiquette chaque sommet. Bon, là, moi, je veux bien, enfin, le groupe du cube, je veux bien le groupe d'un polyèdre qu'on peut imaginer dans l'espace, je veux bien le groupe d'un truc dans un espace à 196 883 dimensions. J'ai un peu plus de mal. Mais bon, je leur fais confiance, hein, les gars. Je veux dire, ils ont cherché, ils ont réfléchi, tout ça. Ça a l'air d'être bien, hein. Ça a l'air d'être super bien. Alors, ça a l'air d'être tellement bien. Enfin, ce qui est très drôle, ouais, c'est quand même que ça s'appelle, malgré tout, même si ça s'appelle un groupe monstre, il a été surnommé comme ça, parce qu'évidemment, il est monstrueux. Mais malgré tout, bah, il fait partie des groupes simples, des groupes finis simples. C'est quand même assez joli. Et alors, ce groupe-là, je suis évidemment complètement incapable de vous en parler, mais il aurait des liens avec des histoires de physique théorique très profonde, du style théorie des cordes, ou trucs comme ça. Je sais pas quoi. J'aime mieux pas savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette étude de groupes d'opérations qui se combinent entre elles et qui vont évidemment parler du coup de symétrie, c'est-à-dire que là, le groupe du triangle, du carré, des choses comme ça, c'est des choses, on voit bien qu'on va retomber sur le genre de choses que je racontais, j'arrête pas de me citer moi-même, c'est mal. Dans l'épisode sur les pavages et les cristaux, sur la cristallographie, parce que bah, c'est les cristaux, les pavages, c'est aussi un exemple de groupe, on va retrouver des groupes là-dedans. Et ça aussi, c'est donc un exemple, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans l'ordre dans lequel je voulais raconter les choses, mais c'est un exemple de choses d'origine possible des groupes, c'est bah, tout simplement de se poser des problèmes de maths, d'être dans certains mondes, donc ça peut être les nombres, ça peut être les pavages, ça peut être les cristaux, ça peut être les électrons, les atomes, les molécules et qui sont formées d'une certaine manière. Et à partir du moment où on cherche à voir comment c'est fait, quelles sont les symétries du machin, bah pouf, on tombe sur un groupe. Et c'est ce qui fait que la notion de groupe est utilisée partout en mathématiques, mais également en chimie, en physique, parce que c'est des choses qui aident à mieux comprendre comment fonctionnent les choses et à les regrouper par famille qui fonctionnent de la même façon. Je me suis complètement emmêlé les pinceaux, du coup j'ai complètement oublié de parler d'autres choses dont j'avais prévu de parler, pour revenir à des choses peut-être un peu plus simples en plus. Il y a des groupes dont je n'ai pas parlé qui sont très connus, c'est ce qu'on appelle les groupes de permutation. Les groupes de permutation, c'est bah, par exemple, tout simplement, vous prenez un certain nombre de cartes et puis vous les mélangez. Voilà, ça c'est une permutation. Si on fait tous les mélanges possibles avec un jeu de cartes, ça fait un groupe. Donc je répète, ça fait un groupe, ça veut dire que je peux enchaîner deux mélanges, c'est comme si j'avais fait un seul mélange, un autre, qui fait partie du groupe. Pour un mélange donné, je peux toujours trouver un mélange qui fait que toutes les cartes reviennent à la même position. C'est assez évident hein, quand on y réfléchit. Et puis, bon, j'ai un mélange neutre oui, qui consiste à ne rien faire. Moi, j'avais juste une question. Vas-y. Comment on trouve des groupes, en fait? C'est juste des mecs qui planchent sur un papier. Quand tu dis, par exemple, il y a 26 groupes sporadiques, ouais. C'est fini? Ça y est, on sait qu'il n'y en a que 26 dans tout l'univers c'est, ou... c'est ça qui est dingue. Est-ce qu'il y en a un? C'est ça qui est beau, quoi. Il y a 5 polyèdres réguliers, c'est comme ça, et il y a 26 groupes sporadiques. Mais c'est ce qui fait que je trouve ça beau. Enfin, je trouve ça dingue. Ça veut dire qu'on a examiné toutes les possibilités. Voilà, c'est un travail de dingue hein, de faire ça. C'est le groupe monstre, là, je crois quand même qu'ils y ont passé un certain temps et que c'était un truc vraiment très compliqué quand même. Mais comment on fait pour les trouver? Bah, c'est un peu ce que je te disais, c'est-à-dire que, en gros, tu... Alors, il y a des choses qu'on observe quand on bosse avec les groupes, il y a des trucs qu'on finit par être un peu... comment dire? On finit par être avoir des intuitions, par avoir des choses. Comment? Un peu tordu, oui. Ouais, superstitieux, quoi. Comment ça, superstitieux? Bah, genre, ah ouais, ils se sont comportés comme ça, donc il doit y en avoir que 26. Ils ont Mais tu prouves les choses. Quand t'es en maths, tu prouves les choses. Hein. Il y a des choses qu'on peut prouver qui sont des choses relativement simples à prouver. Par exemple, il y a un truc vachement intéressant qu'on fait pour les groupes, et qui est hyper utile, qui est vachement important, qui est de dire, t'es dans un groupe. Tu prends n'importe quel élément du groupe, tu le combines avec lui-même, tu le composes avec lui-même, et tu le composes avec lui-même un certain nombre de fois, t'es absolument certain qu'au bout d'un moment, tu tomberas sur l'élément neutre. Dans n'importe quel groupe, avec n'importe quel élément de départ, ça fonctionnera. Ça, c'est hyper puissant comme truc, parce que dès que t'as démontré que quelque chose était un groupe, tu sais que, quel que soit le mouvement que tu fais, la transformation que tu opères, l'opération que tu fais, si tu la répètes un certain nombre de fois, tu finiras par tomber sur l'élément neutre. C'est-à-dire que tu finiras par retomber dans ta position de départ. L'exemple qu'on donne le plus là-dessus, et qui est hyper parlant, je trouve, c'est un Rubik's Cube. Les mouvements que tu peux faire avec un Rubik's Cube, ça forme un groupe. Tu peux le vérifier très simplement avec les trucs que j'ai donnés. Hein. C'est tout mouvement, si tu combines deux mouvements, c'est comme ça, si tu avais fait un mouvement. Donc on appelle un mouvement un truc, que, même si c'est un truc que tu dois faire en plusieurs fois, on va l'appeler un mouvement. Hein. C'est une transformation, un truc que tu as bougé sur le cube, quoi. Donc, n'importe quel mouvement, deux mouvements, tu les combines, ça t'obtient un mouvement. Il y a un élément neutre, oui, ça c'est facile, ça consiste à rien faire. Pour tout mouvement, il existe un mouvement qui permet de revenir à la position de départ. Ça, c'est pas très compliqué, il suffit de tout refaire dans l'autre sens. Ok, c'est simple. Bon, bah, t'as vérifié ça, tu sais que c'est un groupe, et donc tu sais que n'importe quel mouvement que tu peux faire sur le Rubik's Cube, si tu le répètes suffisamment longtemps, tu vas revenir dans la position de départ. Ça, c'est une expérience que j'encourage tous les gens qui l'ont pas encore fait à tester, parce que c'est assez jubilatoire. C'est-à-dire qu'on prend un Rubik's Cube, on n'y connaît rien, on est comme moi, on s'en fout, ça m'emmerde de réfléchir à ça, j'ai pas de temps à perdre avec ça, j'ai beaucoup trop d'autres choses intéressantes à faire dans la vie. Je sais globalement comment ça fonctionne, donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin, il y a des gens qui aiment ça, c'est bien, mais... Par contre, une expérience vraiment jubilatoire à faire, c'est on prend un Rubik's Cube, et on dit par exemple, je prends la colonne de droite là, je lui fais faire un quart de tour vers le haut, et puis je prends le haut, je lui fais faire un demi-tour, par exemple. Voilà, ça c'est mon mouvement. Je suis absolument certain que si je le répète suffisamment longtemps, je vais revenir au point de départ. Donc, c'est complètement fou, parce que ça mélange complètement le cube. Au milieu, il ne ressemble plus à rien. Mais au bout d'un moment, eh ben, ça revient au point de départ, comme par magie. C'est vrai pour le Rubik's Cube, c'est vrai pour n'importe quel groupe. Et donc ça, c'est quelque chose... Voilà, alors, quand je dis... Donc, par exemple, je répète toujours... si je combine un élément avec lui-même suffisamment de fois, je vais tomber sur l'élément neutre. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Et un truc qu'on sait aussi, c'est que le nombre de fois où il faudra le répéter... Ça fait partie vraiment des résultats de base de théorie des groupes qui sont vachement importants pour développer l'intuition de ce que c'est que les groupes et de comment ils fonctionnent. Le nombre de mouvements que je devrais faire pour revenir au point de départ, ce nombre-là, je sais que c'est un nombre qui divise le nombre d'éléments complets du groupe. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas combien d'éléments dans le groupe du Rubik's Cube, c'est partie de ce que je voulais chercher, j'ai oublié, je suis sûr que j'ai la réponse sous le bras. Le nombre de mouvements que tu devras faire, c'est forcément un nombre qui divise le nombre total de mouvements qu'on peut faire sur le Rubik's Cube. C'est assez sympa de savoir ça aussi, quoi. Donc quand on développe ce genre d'intuition, voilà, on sait aussi que dans un groupe, là l'exemple que je donnais avec la main gauche et la main droite là, qui sont un peu indépendantes l'une de l'autre, là, bah, je sais que par exemple, quand je répète une opération plein de fois, il y a peut-être partiellement ça va être bien rangé, mais pas entièrement. Par exemple, ça, on peut le faire, ça. Je peux dire, je reprends mon exemple de main gauche et de main droite, avec la main gauche qui fait fermer à demi ouvert, ouvert, et la main droite qui fait fermer, ouvert. Je peux prendre comme mouvement un peu sympa, parce que les mouvements où c'est qu'une seule des deux mains qui bouge, c'est pas intéressant. Prenons comme mouvement un peu sympa, la main gauche, je passe d'un état au suivant, donc je passe de fermé à demi-fermé, et de demi-fermé, je passerai à ouvert, et de ouvert, je passerai à fermé. Et la main droite, pendant ce temps-là, elle fait fermer, ouvert, elle change d'état. Bah, si je fais ça, bah, il y en a un des deux. La main gauche, elle fonctionne sur un rythme de 3, la main droite fonctionne sur un rythme de 2. Donc je fais un premier mouvement, j'ai la main gauche demi-ouverte, j'ai la main droite ouverte. Je refais mon mouvement, ça consiste à donc ouvrir complètement la main gauche et refermer la main droite. La main droite, elle est revenue en position de départ, mais pas la main gauche. On est sur du 2, on est sur un groupe qui a 6 éléments, ouais, on sent qu'il y a du 2, il y a du 3, il y a du 6, ça va bien ensemble. Si je refais le mouvement, pouf, la main gauche est fermée, la main droite est ouverte. Manque de peau, c'est pas ensemble que les deux sont fermés. Mais c'est normal, il y en a une qui est sur un rythme de 3, l'autre sur un rythme de 2. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 6 fois, ben, les deux mains vont se retrouver fermées, je reviens dans la position de départ. C'est bien comme si j'aurais rien fait. Et tout ça parce que les deux, pour chacune des mains, ben, 3 ça divise 6, 2 ça divise 6, et en fait ça sera le cas pour tous les groupes, pour tous les sous-groupes, pour tous les petits mouvements qui fonctionnent bien. Ça va être quelque chose qu'on peut observer avec le Rubik's Cube. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi. On observe quand on répète toujours le même mouvement que régulièrement c'est presque bien rangé, et c'est comme ça d'ailleurs que les gens qui font le Rubik's Cube savent résoudre le Rubik's Cube. C'est-à-dire que l'exemple de mouvement que je donnais tout à l'heure, je fais un quart de tour avec la bande de droite et puis un demi-tour sur la bande du dessus, je dis n'importe quoi, hein, j'y connais rien, et ben, si je répète ça, peut-être qu'au bout d'un moment tout sera bien rangé sauf deux carrés qui ont changé de place. Donc je sais que si j'ai que ça à faire, eh ben je fais ça et ça fonctionnera. Et c'est logique que dans le bazar au milieu, il y ait par moments des choses qui soient presque bien rangées, puisqu'il y a toujours des histoires de quand je fais un mouvement, il est peut-être composé de mouvements plus simples, et donc du coup, ils n'arrivent pas en même temps à l'arrivée, mais peut-être il y en a un qui arrive pendant que l'autre n'est pas fini, donc je vais avoir des désordres partiels au milieu. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte. Si, ça va. Donc ça, voilà, c'est toutes les intuitions qu'on peut développer sur les groupes. Après, comment on fait pour trouver les groupes? Bah, voilà, on essaye avec un certain nombre d'éléments. Par exemple, on sait qu'évidemment, les groupes avec un nombre premier d'éléments, ça va être particulier. Avec ce que je viens de raconter, là, on sait que si j'ai un sous-groupe, si j'ai moins d'éléments, eh ben forcément, le nombre de fois où il faut répéter l'opération, là, ça divise le nombre complet d'éléments. Bah, si le nombre complet d'éléments, c'est un nombre premier, bah, ça veut dire que ça va pas être possible de trouver un truc plus petit, quoi. C'est-à-dire que forcément, dans un groupe avec un nombre premier d'éléments, si je prends un élément et que je le combine avec lui-même un certain nombre de fois, je sais que je vais tomber sur l'élément neutre au bout d'un nombre de fois qui divise le nombre d'éléments complets. Bah, le nombre d'éléments complets est un nombre premier, donc en fait, ça sera exactement en... le nombre d'étapes sera exactement le nombre d'éléments. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on a un nombre premier d'éléments, ben forcément, c'est le groupe de l'horloge, quoi. Voilà. Donc il y a des choses comme ça, je ne peux pas vous dire. De toute façon, moi, je ne suis pas très fort en théorie des groupes, j'en ai finalement relativement peu fait. Mais on peut développer des intuitions, exactement comme on peut développer des intuitions sur les nombres, en connaissant leur factorisation par nombre, en nombre premier. Et à force, du coup, on voit qu'il y a des nombres qui ont des choses à voir, il y en a un qui est le multiple de l'autre, ou alors ils sont au contraire premiers entre eux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun nombre qui permet de diviser les deux en même temps. On développe des intuitions et puis on commence à mieux les connaître. Bah, les groupes, c'est la même chose. Il y a la même diversité, voire une diversité encore plus grande chez les groupes. C'est quelque chose de très, très varié, qui s'applique à plein de choses très, très différentes. Et alors, quand je parlais des mélanges, les mélanges, c'est des permutations. Donc, les mélanges de cartes, ça, c'est quelque chose... Quand un magicien mélange, on sait toujours qu'il faut se méfier. Hein. Ça, c'est quelque chose, je pense que tout le monde est au courant. Quand il dit qu'il mélange, il ne faut jamais le croire. Mais ça, ce résultat-là, c'est un truc, évidemment, tous les magiciens connaissent. Si je répète toujours exactement le même mélange un certain nombre de fois, au bout d'un moment, c'est comme si je n'avais pas mélangé. Puisque les mélanges forment un groupe, ben, c'est sûr, c'est un résultat qui est acquis. Donc, si on choisit un mélange pour lequel ça se passe particulièrement bien, il se peut qu'au bout de 4-5 mélanges, suivant le nombre de cartes qu'on a, le mélange qu'on fait, ben, si on fait 4 fois le même mélange, par exemple, on est revenu dans la position de départ. Donc, il vous fait croire qu'il a mélangé, il mélange 4 fois pour bien vous convaincre, puis en fait, ben, il a mélangé toujours de la même façon, et donc c'est revenu à la position de départ. Voilà, voilà. Alors, ce que je voulais raconter encore... Je suis désolé, c'est relativement foutraque tout ça, c'est encore pire que d'habitude, j'ai l'impression. C'est que les groupes sont apparus. Alors, il y a une personne qui est vraiment très très attachée à la notion de groupe, historiquement, c'est Évariste Galois. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, c'est pas du tout le premier à avoir considéré des groupes. Enfin, c'est le premier à les avoir nommés comme ça, mais c'est pas le premier à avoir commencé à réfléchir avec ça. Il y a notamment Lagrange qui avait réfléchi là-dessus avant. Et puis... lui, il y avait réfléchi, mais d'une façon beaucoup moins générale que la façon que j'ai eu de vous le présenter. C'est-à-dire que lui s'intéressait à ça uniquement pour résoudre des équations. Et donc, ces groupes, c'était les groupes qui sont liés à des équations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'une part, parce que je pense que ce n'est pas forcément le sujet du jour, et puis ça serait trop compliqué, et puis je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris, surtout. Mais en gros, lui, grâce aux groupes, pour ceux à qui ça peut parler... quand on a une équation de degré n, il y a n solutions, et en fait, il y a un groupe sur les solutions des équations, un groupe de permutation, on peut permuter, on peut échanger, mélanger les solutions un certain nombre de fois, et à certaines conditions, on peut dire que l'équation, on peut trouver les solutions facilement ou pas. Je fais vraiment très très bref. Et donc lui, en fait, en se servant de ça, il démontre que les équations de degré 5, on pourra, ou plus, on ne pourra jamais les résoudre facilement. Le truc qui est marrant, c'est que son résultat n'a pas forcément beaucoup intéressé les gens à son époque, notamment parce que, bon, il a écrit ça comme un cochon juste avant de mourir la veille de son duel, tout ça, et que du coup, il ne s'est pas vraiment appliqué et que c'était compliqué à comprendre, mais aussi parce que, en fait, c'était pourri son résultat, dans le sens où il arrive à dire cette équation-là, on n'arrivera jamais à la résoudre facilement, mais enfin, il le fait de façon complètement théorique. Justement, il est incapable de dire vous me donnez une équation, je vous dis si on pourra la résoudre facilement ou pas. Il est incapable de le dire. Il dit juste, si une équation vérifie ça, alors on peut le résoudre facilement, sinon c'est impossible. Mais c'est purement théorique, et si on lui donne une vraie équation, il est infoutu de le faire. Et donc, je suis tombé sur une citation de ce qu'il a écrit la veille, qui est assez géniale, qui est en gros, les calculs à faire seraient complètement infaisables, en gros, en concret. Donc, concrètement, donc en substance. Donc c'est assez rigolo, c'est encore une fois un résultat comme les mathos les aiment bien, c'est-à-dire ouais, je sais vous dire quand une équation ne résout pas. Enfin, si une équation vérifie ça, c'est facile de résoudre, sinon c'est impossible de résoudre. Mais en vrai, vous m'amenez une vraie équation, je suis incapable de répondre à la question parce que ça amène à des calculs beaucoup trop compliqués et que je ne sais pas faire. Voilà, donc les groupes sont apparus pour ce genre de choses. Et puis après, il y a d'autres personnes, et notamment Kelley, qui ont vraiment compris que c'était une structure tellement générale, tellement large, qu'on pouvait l'appliquer à plein de choses, et que c'était ça qui était important, que c'était ça qui était intéressant, c'était de voir des groupes absolument partout. En tout cas, les trucs qu'on peut retenir, c'est que voilà, avec les groupes, avec les mélanges, etc., on peut faire de la magie, on peut faire des mathématiques de haute voltige, on peut même trouver des choses qui intéressent les physiciens, les chimistes. Les groupes ne sont que la première étape d'une longue série, c'est-à-dire que après les groupes, on peut dire bon bah une loi c'est bien, mais deux lois c'est mieux. Et par exemple, on est habitué à travailler avec les nombres, on a l'addition et la multiplication en même temps. Et donc l'idée a été de dire, bah, je vais essayer de faire quelque chose d'aussi général que ça, que les groupes, mais avec deux opérations comme les nombres, dont le nombre ne sera qu'un exemple particulier, comme les nombres entiers et l'addition sont un exemple de groupe particulier. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais si on prend, c'est un exemple que je voulais donner, si on prend juste 2 et l'addition, on va se retrouver qu'avec les nombres pairs, positif et négatif, et le 0, et ça fera un groupe. Et on peut avoir l'impression que c'est un groupe différent que si je prends tous les nombres entiers, mais en fait, si on regarde comment ils fonctionnent exactement de la même façon. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très important à comprendre, c'est quand on a deux groupes, c'est ce que j'ai essayé de montrer au tout début, la première chose à faire, c'est de voir si est-ce que c'est deux groupes différents ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, quand on a deux groupes, de se rendre compte qu'en fait, la structure est exactement la même, et que donc en fait, il s'agit du même. C'est clair que quand on prend les nombres pairs et l'addition, et les nombres entiers et l'addition, c'est exactement le même groupe. Il suffit de dire, à la place du 1, je dis que c'est 2, à la place du 2, je dis que c'est 4, à la place du moins 1, je dis que c'est moins 2, à la place du moins 2, je dis que c'est moins 4, je multiplie tous les nombres par 2, et je tombe sur tous les nombres pairs. Et puis, quand je fais une opération avec les nombres entiers, ça correspond exactement à la même opération que les nombres pairs, je tombe sur le même résultat, etc. Donc ces deux groupes-là, c'est exactement les mêmes, comme mon bouquin, mon matelas et mes mains du début. Je crois que j'ai jamais fait un dossier aussi cafouilleux, j'en suis vraiment désolé. Je pense que je vais m'arrêter là, sur les groupes, juste en disant qu'après, il y a les anneaux, je vous avais parlé un petit peu des anneaux. Je n'ai pas pu, évidemment, vous donner des définitions de tous les types de groupes que je vous avais cités dans le teaser, parce que, de toute façon, c'était largement pas raisonnable, ça je le savais pour le coup. Mais après, par exemple, je peux vous dire, les anneaux, c'est si on rajoute, par exemple, on a deux opérations, donc qu'on pourrait appeler addition et multiplication, par exemple, mais qu'on peut appeler n'importe comment, qui peuvent correspondre à plein de choses très différentes. Et puis après, si on veut que les deux fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'avec la deuxième opération aussi, chacun est un inverse, ça sera plutôt ce qu'on appelle un corps, des choses comme ça. Et donc, on a comme ça tout un bestiaire, toute une famille d'objets qui, encore une fois, peuvent rebuter les non-matheux parce que c'est très abstrait, mais c'est ça qui donne leur force. C'est parce que c'est très abstrait que ça s'applique à plein de choses différentes. Et si vous n'en êtes pas convaincu, encore une fois, pensez au nombre, essayez d'imaginer une vie sans nombre, et ça serait quand même très compliqué pour tout le monde. Une vie sans groupe, ça serait impossible pour les matheux. Voilà, je vais m'arrêter là. Du coup, je crois que j'avais une question. J'en ai relevé quelques-unes, ouais. Il y a une petite remarque de Julie qui est juste passée, qui me demande on a tous pour mission de récupérer le dossier écrit de Robin. Je sens qu'on va s'amuser sur celui-là. C'est-à-dire que moi-même, j'ai mission de récupérer mon dossier écrit, c'est ça? Je sais pas. LJJ qui demande, je connaissais pas le nom de groupe du matelas, est-ce qu'il y a d'autres groupes avec des noms rigolos à part le groupe monstre? Je sais pas, moi je trouve qu'on pourrait se permettre de le faire, quoi. C'est-à-dire que le groupe du cube, on pourrait dire que c'est le groupe des mariages chez les World Piri, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on s'en fiche, il suffit d'avoir un représentant qui marche bien, donc on peut les rebaptiser. À ma connaissance, j'en connais pas d'autres que... Mais le groupe du matelas, c'est pareil, il a un vrai nom sérieux, en vrai. Hein. Mais, mais les mathématiciens professionnels, tout ça, machin. Cela dit, les mathématiciens professionnels sont les premiers à trouver assez marrant de donner des noms comme ça. Hein. Le groupe monstre, c'est eux qui l'ont fait, hein, qui l'ont donné. Il y a LJJ qui répond à lui-même et qui dit qu'en fait, il y a le groupe bébé monstre. Ouais, il y a le groupe bébé monstre. C'est le précédent, c'est l'avant-dernier à avoir été trouvé, il était un tout petit peu plus petit, mais il était monstrueux aussi, effectivement. Ouais. Il y a oui, c'est ça, exactement, c'est ce que dit LJJ comme nom marrant, le groupe bébé monstre, c'est vrai que c'est pas mal non plus. C'est assez... Mais ne serait-ce que de penser que le groupe... Ça fait aussi marrer, je trouve, de voir à quel point les mathématiciens, c'est un grand classique, mais ce domaine-là, c'est un domaine dans lequel c'est particulièrement vrai, à quel point les mathématiciens s'emparent du vocabulaire commun et le transforment dans des sens qui sont très, très éloignés, quoi. Je veux dire, j'en ai parlé dans l'autre, mais le coup du... du groupe, de l'anneau, du corps. Pour les gens, ça veut dire quelque chose, quoi. D'un idéal, ça, c'était un truc, je me souviens, que j'avais adoré. J'avais adoré la notion, intellectuellement, ça m'avait beaucoup plu. Mais en plus, le fait que ça s'appelle un idéal, je trouvais ça super marrant, quoi. Ça avait un côté joli, quoi. Puis, comme c'est un truc, on est content que ça existe. Enfin, je sais pas, c'est une structure dans laquelle je trouve, dans mon souvenir, tout se passait bien, j'étais content. Donc j'étais content que ça s'appelle un idéal, quoi. Mais après, quand on parle à des gens normaux et qu'on est en train de... Enfin, il y a un genre normal qui passe à côté de deux matheux qui sont en train de parler d'idéaux et de groupes et de trucs comme ça, c'est clair que... ouais, on a l'impression de rien comprendre et parce qu'on associe au mot un sens qui n'est pas du tout le sens précis que leur associe une matheux, quoi. Mais du coup, ça peut créer des trucs marrants. Encore une fois, le groupe simple, quand on est matheux, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est l'équivalent des nombres premiers. Donc, groupe simple, oui, on comprend bien, c'est les briques élémentaires, c'est ceux qu'on ne peut pas décomposer. Donc, c'est logique de les appeler simples. Après, quand on tombe sur un groupe simple, qui est complètement énorme et que personne ne peut se représenter, c'est logique aussi de l'appeler monstre. Du coup, ça donne un groupe simple monstre, ce qui, objectivement, est assez curieux. Et plutôt marrant. Ensuite, il y a une question de David Loulerero. Donc, les groupes de Lie sont par exemple beaucoup utilisés en mécanique des fluides, je crois. Et pour la physique des particules, il n'y a pas toujours des histoires de symétrie et de groupe et tout ça, genre avec les particules supersymétriques et tout. Mais de toute façon, la notion de symétrie, c'est quelque chose. On pourrait en parler pendant des heures. Enfin, tout ce que j'avais raconté sur la cristallographie, c'était déjà des choses qui parlaient uniquement de symétrie, si on creuse, enfin, si on peut le formuler uniquement comme ça. Et puis, là, tout ce que je viens de raconter ce soir, les groupes, on voit bien qu'une histoire de bien rangé, etc. Dès que c'est bien rangé comme ça, un scientifique qui parle de symétrie, de toute façon. Et puis, quand j'ai parlé du groupe du cube, c'est-à-dire toutes les positions dans lesquelles on peut étiqueter les sommets, toutes les façons d'étiqueter les sommets du cube. Sans avoir... Oui, alors faut faire gaffe quand même. J'ai pas parlé de ça, mais je vais redonner cet exemple-là. Je vais donner juste l'exemple du carré pour bien montrer qu'il faut pas faire n'importe quoi. Si on appelle un carré ABCD, on peut changer A avec B et C avec D, par exemple. Ça revient à avoir pris le symétrique du carré avec un axe vertical. Mais on peut pas changer A avec B sans avoir changé C avec D. Là, on a essayé de tordre le carré et ça marche pas. Le carré, il est déformé. Là. Enfin, on peut pas faire ça. C'est pas toutes les façons d'étiqueter les sommets, c'est toutes les façons d'étiqueter les sommets de façon à ce que le cube, ce soit toujours soit lui, soit son image dans un miroir. Et du coup, je sais plus à quelle question j'étais en train de répondre, je suis vraiment désolé. Sur l'utilisation, la symétrie. Oui, voilà. Et donc là, c'est exactement si vous écoutez ce que j'ai raconté sur la cristallo, ou si vous écoutez si vous regardez des choses qui parlent de cristallographie, ça parle de symétrie. La symétrie en mathématiques, en sciences, c'est au sens large. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle le groupe de symétrie du cube, parce que toutes les opérations qui font que le cube reste sur lui-même, c'est ce qu'on appelle une symétrie du cube, et pas seulement les plans de symétrie comme on a l'habitude de. Ce qu'on a l'habitude d'appeler les symétries quand on est en dehors du monde scientifique, qui utilise encore une fois des mots communs d'une façon un peu différente. Et finalement, une question de Gépif qui demande en quoi un groupe de 5 éléments diffère d'un autre groupe à 5 éléments. Les groupes de 5 éléments, justement, il n'y en a qu'un. Donc un groupe de 5 éléments, c'est le groupe à 5 éléments, c'est le groupe de l'horloge, c'est-à-dire celui où on fait avec l'aiguille des cinquièmes de tour. Et c'est le seul qui puisse exister avec 5 éléments. Donc après, ce qu'on a, et c'est là qu'il faut comprendre, que tous les exemples que j'ai donnés, le bouquin, le matelas, ce ne sont que des exemples de groupes. C'est-à-dire que c'est exactement comme si on me demandait 5... J'essaye d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas les nombres ce que c'est que 5, je vais lui montrer 5 doigts, je vais lui montrer 5 objets, je vais lui montrer machin. Je vais dire, voilà, tu vois, il y a un truc qui est pareil partout là-dessus, là. Il y a un truc qui est pareil. C'est ça qu'on appelle 5. Quelqu'un qui n'a jamais vu de nombre de sa vie, ça risque d'être compliqué, mais je ne vois pas comment lui expliquer autrement. Après, on est tous d'accord que 5, c'est ni les 5 doigts, ni les 5 objets, ni les 5 personnes. C'est 5. C'est la quantité. Le groupe, c'est exactement la même chose. Ce que j'ai donné au début, c'était comme si je montrais des objets. Le groupe, c'est juste la structure qui est derrière, le truc abstrait qui est commun à tout ça. Et donc, en fait, pour 5, il n'y a qu'un seul groupe possible. Je vois qu'il réagit sur 4 et 6. Sur 4, j'ai donné les deux exemples. J'ai donné les deux groupes. En gros, il y a celui le groupe des quarts d'heure, là, où ça se passe d'une certaine façon. C'est-à-dire que le même élément qu'on ajoute 3 fois. En gros, c'est j'ajoute un quart d'heure, j'ajoute une demi-heure, j'ajoute 3 quarts d'heure, ou je fais rien. Donc, quand on les combine, ça fonctionne de cette façon-là. Et le groupe du matelas, où il y a bien quatre éléments, mais il ne fonctionne pas de la même façon. Par exemple, le groupe du matelas, si je fais deux fois de suite la même opération, c'est comme si j'avais rien fait. Dans le groupe des quarts d'heure, si je fais deux fois un quart d'heure, j'ai fait une demi-heure. C'est pas comme si j'avais rien fait. Et le groupe du livre, c'était à combien déjà ? Le groupe du livre, c'est exactement le groupe du matelas, c'est le même. Ah, c'est le même, d'accord. Et c'est aussi le même que le groupe des deux mains, ouverte et fermée. D'accord. Et ouais. Le groupe à six éléments, bah, j'en ai donné un exemple aussi. Hein. C'est celui où on ouvre la main à moitié, une des deux mains à moitié. Il y a six éléments, et c'est clairement pas le groupe de l'horloge. Et comme on a toujours le groupe de l'horloge, et ben, on sait qu'il y en a au moins deux. Et en fait, il n'y en a que deux. Donc, c'est les deux. Et je crois qu'il y avait une autre question. C'était... Tu parlais du Rubik's Cube tout à l'heure et il demandait aussi GPIF. Est-ce que c'est comme dans un labyrinthe, si on prend toujours à gauche, on finit par sortir? Moi, ça m'intéresse vraiment, on ne sait jamais. C'est une question alors, pratique. Dans un labyrinthe, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet. Mais dans un labyrinthe, ça dépend quel type de labyrinthe. Mais si c'est un labyrinthe avec une entrée et une sortie, on entre d'un côté, on veut sortir de l'autre. Il y a une seule façon de s'en sortir. Enfin, une seule façon. Il y a une façon de s'en sortir. C'est pas la seule façon, mais... Enfin, quasiment. La façon simple de s'en sortir, c'est de dire je choisis soit le mur à droite, soit le mur à gauche en entrant, mais je choisis un des murs, et je ne le quitte plus. Ma main touche systématiquement ce mur, et j'avance en touchant systématiquement ce mur, et on est absolument certain qu'on arrivera à la sortie. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les groupes. Ouais. C'est la réponse du matheux. Dans les labyrinthes où il y a moins de zéro sortie, en se tenant à un seul mur, on n'arrive pas à en sortir. Oui, voilà. Non, mais disons, enfin, ça, je pourrais en parler, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et puis, sans dessin, là, ça va être vraiment chaud quand même, énorme. Enfin, en gros, l'idée, c'est de dire, quand on fait ça, on quitte pas le mur extérieur. Ce qui peut arriver de catastrophique quand on suit un mur dans un labyrinthe, c'est que ça soit un mur qui n'est que à l'intérieur, qui ne touche pas du tout l'extérieur. Donc, on va faire des boucles. Alors que si tu touches un mur que tu sais être à l'extérieur quand tu rentres, bah, tu sais qu'il est à l'extérieur, donc au bout d'un moment, tu vas arriver à l'extérieur. Je sais pas si c'est clair, mais. Tu fais le tour de l'extérieur, en fait. Tu restes collé à l'extérieur, même si tu fais plein de détours, tu restes d'une certaine manière collé à l'extérieur. D'accord. Bon, mais ça, a priori, pas grand-chose à voir avec les groupes, encore une fois. C'est juste que dans un c'est plus de la topologie, du coup, oui. Ouais, c'est de la topologie, oui. Okay. Non, le Rubik's Cube, l'idée, c'est, enfin, la seule idée dont j'ai parlé, c'est de dire, si je répète toujours la même opération, je finis par revenir à ma position de départ. Et l'autre truc que j'essayais de dire, c'était que, ben, comme un mouvement... Il a un nombre d'éléments qui est diviseur du nombre d'éléments complets, de mouvements complets, mais il peut être lui-même composé en fait d'espèces de mini-mouvements, et que donc du coup on peut avoir des tout petits échanges au milieu de mon gros mouvement. C'est vraiment ça aussi, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les matheux, c'est comment décomposer un groupe, un mouvement, un élément d'un groupe en trucs plus petits. Par exemple, si vous regardez, ça c'est aussi un truc qui est un grand classique, dans les permutations, c'est un sujet, on pourrait aussi en faire un dossier entier. Les permutations, ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous parler de ça, c'est un scandale. Les permutations, c'est donc, je mélange. Donc on peut mélanger des cartes, on peut aussi dire qu'on a mélangé un Rubik's Cube, c'est pareil, on a fait des permutations. Et ben, un Rubik's Cube, on sait que, par exemple, n'importe quelle position du Rubik's Cube, on pourrait appeler ça un mélange. C'est juste que c'est une série de mouvements et qu'on peut donc le décomposer en mouvements plus petits qui sont chacun un mouvement. Donc un mouvement peut être éventuellement décomposé en mouvements plus petits, pas tous, mais certains. Et donc on aime bien ça, d'essayer de voir comment on peut décomposer en mouvements plus petits un gros mouvement. Pour le taquin, j'espère que tout le monde voit ce que c'est que le taquin, le truc où on glisse des carrés, il y a une case vide, c'est dans un carré, il y a plein de petits carrés qu'il faut remettre à leur place et on peut les glisser juste, il y a une seule case vide. Tous les mouvements qu'on fait, c'est juste, on déplace un carré sur la case vide. Mais au bout d'un moment, quand on prend le taquin à la position de départ, on peut dire qu'on a une grosse permutation qui a eu lieu. On pourrait dire que c'est un seul mouvement. Là aussi, ça va être un groupe, en fait. Ça, c'est un mouvement. Et puis, bah, en faisant des tout petits mouvements, on peut fabriquer un gros mouvement. Et là encore, si on répète toujours le même mouvement, on sait qu'on reviendra à la position de départ. Et puis, alors, on sait d'autres trucs aussi. Je voulais éventuellement parler de ça, et puis je me suis dit que c'était trop compliqué, mais... Maintenant que je suis lancé, éventuellement, je pourrais essayer, mais ça me paraît trop dur. Non, je vais m'arrêter. Tu le mettras dans ton dossier écrit ? Ouais, je pourrais essayer. Non, mais les permutations, c'est un sujet qui pourrait mériter vraiment un dossier entier bien préparé, quoi. Le truc juste que je voulais raconter, qui est très joli, c'est la sextine. La sextine, c'est une forme de poème de la Renaissance ou du Moyen-Âge, de la Renaissance. enfin ancien en tout cas. Et la sextine, c'est en fait on a une strophe de 6 vers, et à la fin de chacun des vers on a un mot, et on va reprendre ces 6 mots à la fin de chacun des vers des strophes suivantes, et l'idée c'est juste qu'on change l'ordre dans lequel ils arrivent. On fait donc une permutation de ces 6 mots pour la strophe suivante. Donc si l'ordre dans la première strophe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais en fait l'ordre dans la deuxième ça sera 6, 1, 5, 2, 4, 3. C'est-à-dire on part de la fin, on prend le dernier, on prend le premier, on prend l'avant-dernier, on prend le deuxième, on prend le... Voilà. Fin, début, fin, début, fin, début. Et donc ça donne l'ordre dans lequel on veut les mots dans la deuxième strophe. Et puis on recommence dans la strophe suivante, on fait exactement le même mélange, on prend le dernier mot, le premier mot, le dernier, l'avant-dernier, etc. Et on les met en fin de strophe, en fin de vers, dans cet ordre-là. Et puis bah, comme c'est une permutation, c'est un groupe, machin, tout ça, on sait qu'au bout d'un certain temps, on va revenir à l'ordre initial. Et donc, en fait, on s'arrête, le poème s'arrête à la dernière strophe qu'on peut faire, dans laquelle l'ordre des mots n'est pas l'ordre des mots initial. Et il se trouve que quand on prend cette permutation-là et qu'on a 6 strophes, eh ben, on s'arrête au bout de 6 vers, 6 strophes, pardon, qu'on a 6 vers, on s'arrête au bout de 6 strophes, c'est-à-dire qu'on a fait la permutation 6 fois, et si on la faisait une 7e fois, on reviendrait exactement dans l'ordre de départ. Oui, David, j'en parle dans mon livre. On continue l'autopromo, soyons fous. Et en fait, il y a des fois, ça marche moins bien. Et donc, les sextines, c'est quelque chose qui est assez tombé dans l'oubli après. Il y a quelques personnes qui en ont fait, mais très peu. Et celui qui a remis ça au bout du jour, c'est Queneau, Raymond Queneau, l'écrivain. Parce qu'il a trouvé ça très marrant. Il a dit, mais est-ce qu'on pourrait faire exactement la même chose, mais au lieu d'avoir 6 vers, on a un autre nombre de vers. Et en fait, on constate que bah, ça ne fonctionne pas toujours. C'est-à-dire que... on fait la permutation qui consiste à prendre le dernier mot, le premier mot, l'avant-dernier, et on regarde au bout de combien de temps on retombe dans l'ordre de départ, on retrouve l'ordre de départ. Et il se trouve que bah, on aimerait bien que ça soit ce nombre-là, le nombre de fois où il faut le faire avant de retomber dans l'ordre de départ, soit exactement le nombre de vers qu'on a dans chaque strophe, le nombre de mots qu'on permute. Et en fait, bah, ça ne fonctionne pas pour tous les nombres. Ça fonctionne pour 6, mais ça ne fonctionne pas pour 7, par exemple, sauf erreur de mémoire. Et en fait, c'est devenu un problème de mathématiques, qui est complètement un problème dans lequel on a évidemment besoin beaucoup des groupes. Et c'est devenu un sujet de thèse, même. Il y a quelqu'un qui fait cette thèse là-dessus. Et c'est ce qu'on appelle les nombres de Queneau. Les nombres de Queneau sont les nombres pour lesquels cette permutation fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on a exactement le nombre de strophes qu'on voulait avant de revenir au point de départ. Je voulais juste faire la permutation à la guitare, c'est facile, j'ai 6 cordes, je viens de penser. Si l'ordre des mots au début, c'est ça. Au bout d'une permutation, ça va être... Je le refais peut-être plus proprement, hein. C'est en gros, hein, plus aigu, plus grave, et bien, tac, tac, tac, tac. Donc voilà, donc on refait cette permutation. Quand on a 6 cordes, ça se passe bien, mais quand on a un autre nombre, ça se passe pas toujours bien, et donc on peut pas faire des sextines avec autant de strophes qu'on veut, enfin avec autant de vers qu'on veut. Et donc c'est un des problèmes très graves de mathématiques contemporaines. Non, je déconne, ça intéresse pas beaucoup de monde, c'est juste marrant, quoi. Mais c'est un vrai problème des maths, cela dit, très sérieux. Okay. Je vais en parler aussi. J'ai droit juste un minute. Tu m'attends, ouais, bien sûr. Minute, vas-y. 5 minutes. Juste sur le taquin, et sur le Rubik's Cube d'ailleurs aussi, parce que ça va permettre à des gens peut-être de se venger sur des gens qu'ils aiment pas, ou je sais pas. Le taquin, il y a quelque chose qui est connu, c'est que donc on peut décomposer tous les mouvements en des tout petits mouvements qui consistent à déplacer un carré sur un carré vide. De toute façon, on peut rien faire d'autre dessus. Et donc en fait, on peut faire ce qu'on appelle, alors, dans les permutations, donc les mélanges, on va distinguer les plus simples de tout ce qui consiste à échanger juste deux trucs de place. Et en fait, on peut décomposer une permutation en ce qu'on appelle des transpositions, c'est-à-dire juste changer deux trucs de voisins de place. Et quand on fait ça, on se rend compte que les permutations, il y a deux familles. Les mélanges sur un taquin, il y a deux familles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a celle où quand on essaye de décomposer en faisant des échanges de deux pièces voisines, on en fait un nombre impair pour arriver à la permutation donnée. Et il y a les permutations où on fait un nombre pair d'échanges de deux pièces voisines pour arriver à cette position-là. Et en fait, c'est impossible de passer d'une position de l'une à une position de l'autre. Donc là, on est encore dans des histoires de groupes et de sous-groupes et de trucs qui sont liés et de trucs qui ne sont pas liés. C'est comme si on était sur deux mains différentes. Donc si je prends un truc qui se concerne, un mouvement qui concerne que ma main droite, ça fera jamais bouger ma main gauche. Je ne sais pas si l'image est claire, mais c'est un truc, c'est deux types de mouvements qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. Et donc en fait, il y a une solution très simple pour vous venger sur quelqu'un que vous n'aimez pas, c'est de démonter le taquin et d'échanger juste deux pièces de place, puisqu'on passe d'une famille de positions à une autre, et que donc il est parfaitement impossible à partir de ça de revenir à la position initiale. Et c'est d'ailleurs une blague qui avait été faite par l'inventeur de ce jeu-là, qui avait compris ça, et qui en fait avait vendu des taquins où il y avait juste les deux derniers carrés qui étaient inversés. Bah, en fait, la théorie dit que si on part de cette position-là, c'est rigoureusement impossible d'arriver à la solution. Et voilà. Et donc, il avait offert une prime très très élevée à la personne qui arriverait à le faire. Parce que bon, de toute façon, il était tranquille, et au moins, ça s'est vachement bien vendu. Et le Rubik's Cube, on peut faire évidemment le même genre de blague. Si vous échangez juste deux étiquettes entre elles, vous rendez le problème impossible. Voilà. Et ça encore, c'est quand même des choses qui sont complètement liées à la théorie des groupes de permutation. Mais c'est voilà, c'est très lié. Voilà. Ok, bah, je merveilleux. M'arrête. Promis, je m'arrête. Merveilleux, très bien. Écoute, impressionnant. Billy, pas de questions ? Non, je voulais juste parler du dessin de Puyo, enfin son gif qui était pas mal, si tu veux le décrire. Bon, je te laisse faire, écoute, t'es bien parti. Ouais, mais ouais, en gros, il y a un pauvre gars qui transpire et qui a l'air d'avoir peur parce qu'il doit faire des mouvements. Alors, le titre de l'animation, c'est des groupes avec des éléments neutres, A, B, A fois B. Et il doit faire des mouvements et notamment appuyer sur un bouton, sur un truc qui a l'air d'avoir envie d'exploser. Et derrière, il y a une bonne femme qui lui dit « Non, non, tu es trop neutre avec ce genre de choses, rien ne vaut l'exemple. » Mais il n'a pas l'air confiant sur le fait que en combinant les trucs, ça n'explosera pas, quoi. Je suis pas sûre d'avoir la bonne interprétation du gif, hein, si c'est pas très bien expliqué. D'accord. Bah, en tout cas, ouais, super dessin de Pouillon. On a aussi Franck hein, qui a dessiné pour nous ce soir. Ah, c'est sympa. Ouais, ça faisait plaisir à voir. Ça me touche, là. Je sais pas depuis où il a dessiné, mais ça fait plaisir. Très bien. J'ai même pas parlé de groupes qui sont pas commutatifs. C'est une catastrophe. Mais ça, je pense qu'il faut qu'on en reparle, les groupes non commutatifs, parce que... on a eu des questions là-dessus, on nous a demandé d'en parler, mais je pense que ça vaudrait le coup d'en faire un truc à part entière. C'est pas que les groupes, c'est carrément tous les trucs, l'algèbre non commutative, mais là, on va dans un truc hyper dur. Mais bon, on peut essayer. Cela dit, les groupes non commutatifs, juste essayez chez vous, sans vous mélangez des cartes, si vous faites un mélange puis un autre, sauf exception, ça va pas donner la même chose si vous faites dans un sens ou dans l'autre, en fait. Puis ce dont t'as pas parlé, c'est les groupes infinis, surtout. Les groupes infinis, si, j'ai donné l'exemple des nombres entiers et avec l'addition. Ouais, d'accord. C'est vrai. Bah, ah oui, non, j'en ai donné deux exemples. Ok, c'était pas très compliqué, mais quand c'est même. C'est pas faux. Ok, super. Bah, on passe à la suite, alors. Ouais. T'as 5 minutes pour préparer une quote. Hein. Non, j'en ai trouvé une. Enfin, une demi. J'ai globalement une quote. En tout cas, avant la quote, on passe au pitch. Alors, on n'a pas Julie ce soir, donc je vais me charger du pitch pour Julie. Parce que la semaine prochaine, c'est freestyle. Ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas fait un freestyle. Et on va se faire un freestyle en compagnie d'Alex Brown. Normalement, vous avez déjà entendu parler d'Alex Brown parce que c'est notre nouvelle taupe au CERN. Donc, il était là à la sortie qu'on avait fait au CERN et c'est quelqu'un de très sympathique. Donc, il nous parlera du CERN, du projet S-School Lab dans lequel il est impliqué, de sa thèse et de Science dans la joie. Donc voilà, sinon après ce sera un freestyle, donc on aura comme d'hab un nouveau quiz, la rubrique fail de Robin qui est déjà prête. Alors non, et en plus je serai pas là, mais je vais vraiment tout faire pour essayer d'enregistrer un truc parce que j'ai plusieurs idées, mais je garantis rien. Vraiment, je garantis rien. Peut-être une rubrique fail de Robin, un blog audio et bien sûr tout le courrier des lecteurs, etc. Et voilà, donc un sympathique épisode freestyle avec le non moins sympathique Alex Brown. Voilà, Valou. Des remarques là-dessus ? Billy, la spécialiste des freestyles ? Pourquoi ? Ben, je sais pas, parce que tu nous as fait un freestyle d'anthologie quand tu étais invité. Bon freestyle de la semaine prochaine. Je suis sûre que ça va être super intéressant. Du coup, on passe à la quote, Robin. Ouais. Parce que du coup, j'étais en train de me détendre, là. j'avais noté, alors non parce que c'est à propos des groupes hein, mais c'est quelque chose que je trouve super classe, enfin c'est pas à propos des groupes, pardon, c'est à propos des maths, mais c'est un mathématicien, Dirichlet, que je connais pas assez comme personnage, disons. Dirichlet, on en entend beaucoup parler, tu peux témoigner, quand on fait des études de maths, c'est vraiment les trucs de Dirichlet. C'est... Ouais, ouais, bah, comme plein d'autres noms, dont des noms de mathématiciens, genre à la Bernoulli, on sait jamais duquel on parle, quoi. Mais bon. Non, mais Bernoulli, ce qui est drôle, c'est que c'est toute une famille et qu'il se mettait sur la gueule et tout, ça c'est bien. Mais Dirichlet, il a pas. Enfin, moi, dans ma tête, il a pas de personnalité, c'est décevant, quoi. Je sais pas, il a sûrement fait plein de trucs. Il a fait des trucs très bien, apparemment, donc c'est quand même dommage de. T'as perdu ta côte, en fait, c'est pas possible. Non, ouais, j'ai perdu ma côte, en même temps, je suis en train de la rechercher, c'est vrai. Vous pouvez pas faire autre chose pendant que je trouve ma côte ? Attendez, non, mais en gros, il a dit... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il a dit qu'il fallait mettre la pensée à la place du calcul. C'est pas hyper classe ? C'est pas mal, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pas mal. Mettre la pensée à la place du calcul. C'est une côte, quoi, faut réfléchir là-dessus, et voilà. D'accord, ok. D'accord, donc... C'est un mathématicien qui nous dit ça. Mettons la pensée à la place du calcul. Oui, parce que le but des mathématiciens, c'est d'arrêter les calculs. Hein. Ouais, on déteste les calculs, hein. Ça, je confirme. Moi, j'ai fait des maths pour arrêter de faire du calcul. Mais complètement. Moi, Alan me manque quand même sur cette émission. Mais juste pour compter sur toi. Ah ouais, non, mais les mathématiciens qui... Ouais, je sais plus quoi dire. Est-ce que je t'ai vraiment complètement perdu ? Non, j'ai suivi. Hein. Puis maintenant, tu fais partie du groupe, Billy ? Quel groupe ? Pas celui des maths, hein, ça c'est sûr. C'était un jeu de mots avec le sujet de l'émission, je suis pas... Ah putain, je l'ai même pas compris, c'est la honte. Bref. Ok, je vais me coucher. Bon, avant de conclure, on passe au plug. On vous rappelle, une fois n'est pas coutume, histoire de faire un bon tapage, que le 21 mars a lieu la première édition de Lyon Science, donc une sorte d'émission spéciale à Lyon qui va parler de science. Donc il y aura Julie, il y aura Alan qui sera présent, je serai présent aussi. Vous trouverez aussi David Loureiro, Pierre Kerner, un tas d'autres bloqueurs. Donc il y aura 2 heures d'intervention sur des sujets divers. Pour plus d'informations, vous pouvez suivre @lyonscience sur Twitter, vous inscrire à l'événement Facebook, visiter le site http://www.lyon-science.fr. Et d'ici là, on vous tient toujours au courant. Donc si vous passez dans le coin, ça nous fera plaisir de vous voir. Et bien des nombreux, ça devrait être sympa. Et donc, le thème des discussions sera globalement Lyon et la science, pour faire original, et ça devrait être fort sympathique. Sur ce, on va conclure. Ah oui, je regrette bien de pas y être, hein, mais bon, on peut pas être partout. Ouais, hein. Parce qu'en plus, on va peut-être parler de maths, alors on va pas parler de physique, mais t'aurais pu venir, quoi. J'arrive même pas à boucler mes dossiers, c'est peut-être pas le moment d'aller à Lyon, quoi. Ouais. Bon, du coup, on va conclure, à moins que vous ayez autre chose. Juste, attends, toi, parce que tu es concerné aussi, hein. On peut déjà commencer à faire l'annonce, quand même, pour... Oula, tu me fais flipper. Pour le week-end Pi Day, quoi. Le week-end quoi ? Le jour Pi. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, mais cette année, c'est pas n'importe quel jour Pi. C'est Pi avec un sacré nombre de décimales, là. Surtout si vous venez d'en avoir 26, mais je suis pas sûr d'être déjà arrivé. Là, ça y est, Billy est en train de se pendre, là. Ouais, c'était juste donc, ce que j'étais en train de me dire. Vous le savez, parce qu'on en parle depuis au moins 2 ans dans Podcast Science, en gros, depuis que je suis là. Le 14 mars, c'est le jour de Pi, parce qu'aux États-Unis, comme ils marquent les dates comme des imbéciles, ils marquent, pour le 14 mars, ils marquent ça 3-14. Ce qui nous arrange. Et cette année, nous sommes le 14 mars 2015, donc ça fait 3-14-15. Vous suivez ? On en est à 4 décimales justes. Et avec les heures, on peut s'en sortir à en avoir, je crois, 7 de justes. Donc... 9h26, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est dommage, il y aurait pu en avoir 4 de plus, mais il n'y en aura que 3 de plus. Donc, on commence à être pas mal, là. C'est-à-dire que donc, le 14 mars à 9h26, on a un sacré Pi Day à 7 décimales près, quoi. Voilà, donc pour le dire, pour dire les choses autrement, donc préparez-vous. Et le week-end du 14 et 15 mars, du coup, on fait le week-end entier, il y aura du coup plein de choses autour de Pi au Palais de la Découverte. J'en dis pas plus pour l'instant, mais je fais une pré-annonce, disons. Merci Robin. C'était un teaser, on appelle ça. C'était une information utile, en effet. Bah non, mais si, ça vaut le coup. Si vous êtes là, venez, ça va être marrant. Et on rappelle qu'il y a des dissidents du jour de Pi qui fêtent ça le 22 juillet. Ouais. Voilà. C'est pas des physiciens, non ? C'est possible. C'est une telle approximation. 7,22 ? Non, parce c'est 22/7. C'est une des plus anciennes approximations de Pi. Ah, ok. C'est pour ça que je dis que c'est des physiciens. Voilà. Sur ce, maintenant, vous faites partie du groupe, quoi. Donc, n'hésitez pas à parler de nous si ça vous a plu ou que ça vous a pas plu, à en parler à ceux que vous aimez pas. Vous pouvez nous faire des commentaires ou des retours ou nous partager sur Facebook, Twitter, podcastscience.fm, notre site web, sur tout l'internet mondial globalement, sur SoundCloud aussi, où vous pouvez commenter à la minute. Et voilà, merci d'être viendu, merci au dessin dans la chatroom, merci à Billy qui nous a honoré de sa présence dans un dossier de maths, ça fait plaisir. Et, c'était une erreur, hein, je tiens à se préciser. Merci, merci Billy, ça me fait vraiment mais, plaisir. Mais c'était un très bon moment, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc voilà, apprenez, partagez, et d'ici là, que servir la science soit votre joie.